J'ai pas dormi de la nuit en prépar son souvenir. Ces douze tranches de vie finissent par s'évanouir. Ainsi se résume la vie et il faut bien s'y tenir pour finir dans l'oubli comme un reflet d'Altaïr. Oh, maman, entends mes cris d'enfant, cet ultime déchirement, tu me manques à présent. Oh, maman, merci pour tes sourires, ta générosité, tes valeurs partagées. Et mon encre a coulé. Je me sens seul à présent dans ce monde indifférent. Mais rassure-toi, maman, je crois en tes descendants. Oh, maman, entends mes cris d'enfant, cet ultime déchirement. Me manque à présent. Oh, maman, merci pour tes sourires, ta générosité, tes valeurs révélées.